On m'avait bien dit d'éviter les mecs comme toi. Moi je pensais vraiment pas que t'étais pire que. Je m'imaginais que tu serais ma flamme dans le noir. Mais tu m'as éclairé pour me rapprocher du feu. J'avais de la merde dans les yeux, je pensais que c'était des larmes de joie. Je me voyais plus en toi, car je te voyais en moi. Pour mieux manipuler, t'as fait l'homme irréprochable. Après toutes nos prises de tête, c'est moi qui me sentais détestable. Quand j'essayais de te plaire, tu me rabaissais plus bactère. Que si je voulais pas te perdre, fallait que je ressemble à ta mère. Tu faisais ressortir tous mes complexes, rien à foutre que ça me vexe. Tu disais que j'étais pas sexy comparé à ton ex. Ce qui sort de ta bouche sont plus que des mots. Quand ta parole me touche sur ma bouche sans les mots. Ton cœur est tellement maléfique que sa noirceur est magnifique. Ta maladie est atypique, t'es juste un pervers narcissique. T'avais tout prévu, j'avais pas vu venir ton guet-apens. Tu m'as isolé, tu m'as fait devenir celle qui t'attend. Même les crises de jalousie par rapport à mes parents. T'as réussi à faire en sorte que je les vois deux fois par an. J'avais plus d'envie, plus de vie, plus d'ascension sociale. J'avais plus de famille, plus d'amis, j'avais plus de tout ça. Du moins c'est ce que t'avais réussi à me faire croire. Noyé dans mon chagrin, tu me disais c'est pas la mer à boire. Je buvais la tasse, l'alcool débordait de mon verre. Je plongeais la tête la première et tu m'as laissé faire. Je voyais flou, ça t'arrangeait, tu m'as laissé mes œillères. Tous les voyants étaient rouges, tu me disais qu'ils étaient verts. Ce qui sort de ta bouche sont plus que des mots. Quand ta parole me touche sur ma bouche sans les mots. Ton cœur est tellement maléfique que sa noirceur est magnifique. Ta maladie est atypique, t'es juste un pervers narcissique. Combien de fois j'ai eu cette peur, combien de fois j'ai eu la crainte que tu me laisses et que tu me quittes. J'ai l'envie de me nourrir, j'avoue je me laissais mourir. Une mort subite, c'est peut-être ça le suicide. Ce qui sort de ta bouche que sa noirceur est magnifique. Ta maladie est atypique, t'es juste un pervers narcissique.